Alors, je voudrais dire un dernier mot, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant cette séance, c'est un peu avec l'idée de regarder ces enquêtes avec l'œil de l'historien. C'est-à-dire que maintenant, ça fait une cinquantaine d'années, et donc voir un peu, là, on va voir comment les médias ont construit la mémoire des enquêtes, parce que c'est un peu ça, ce qui ne correspond pas à l'histoire réelle. Hein. C'est une façon de construire un événement qui a eu lieu à Pleusévette, mais pas uniquement à Pleusévette, puisqu'il y a eu d'autres enquêtes qui ont eu lieu dans d'autres régions. Et effectivement, les médias construisent une histoire, et donc ce sera un peu ça qui sera abordé. Tout ça pour dire aussi, c'est que dans trois semaines à peu près maintenant, il y a André Burguère qui va venir et qui lui, qui est l'historien qui avait été chargé de faire la synthèse de toutes les études, lui partira avec son œuvre d'historien pour voir comment, du côté de la recherche, on a fait l'histoire de ces enquêtes. Donc c'est une façon d'un côté les médias, d'autre côté la mémoire des chercheurs. Voilà.